You don't get on my dick, would you offend it? On the yabby, Chego a petit, ce sont les fimbi, où sont les ladies? Admire la belly, bling, bling, toujours le pali. L'enfant est terrible, l'enfant est terrible. Tu l'as dit on l'a dit, où tu es fendi, on a le yabby. Chego a petit, où sont les fimbi, où sont les ladies? Admire la belly, bling, bling, toujours le pali. L'enfant est terrible, l'enfant est terrible. D'ici c'est terrible, on veut plus aller à l'intérim, on préfère augmenter les délits. Au quartier tout le monde nous obéit, chef, bandit, truand de la galère, gay, sois ma face devient ton malheur, imbécile, trop loin, ma gueule, toujours dans l'avion, tu cherches qu'on revient tout à l'heure, putain, c'est mort, la dot est trop chère, je vais la passer, façon, cousin, ou j'avoue qu'on a, ici les zinzins, rachez les voisins, ici les zinzins, braque les magasins, bazar, charro ta cause même en bazin, la cité m'a dit de le faire, promis juré, je vais tout raser. Tout le monde a dit que j'allais pas faire longtemps. 4 ans plus tard, je suis encore dans les temps.